الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Craignez Allah Azza wa Jal, car sa crainte est une protection contre l'égarement et sur le chemin de la victoire et de la félicité le jour de la résurrection. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal a choisi parmi ses créatures certaines qu'il a surélevées par rapport aux autres, et il a favorisé certains jours sur les autres afin que les gens saisissent leurs opportunités, et tout ceci de par sa grâce énorme. Pour que l'on puisse se rapprocher de lui ainsi que de sa miséricorde. Et le jour du vendredi, يعني يوم الجمعة, fait partie de ces jours-là, car c'est le meilleur des jours pour Allah Azza wa Jal. Et il l'a donné à la communauté musulmane, et il en a privé les juifs et les chrétiens, et l'a donné aux musulmans, et ceci par miséricorde de sa part. Et dans le Sahih de Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Allah a privé du vendredi ceux qui étaient avant nous. Pour les juifs, ce fut le samedi, et pour les chrétiens, ce fut le dimanche. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ramena et nous guida au jour du vendredi. Et le vendredi est le meilleur des jours, et il a énormément de bienfaits spécifiques, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le jour du vendredi, et c'est le jour où Adam fut créé, et où il entra au paradis, et où il en fut sorti, et l'heure ne s'élèvera qu'un vendredi. Et il est rapporté dans le Muslim de l'imam Ahmed, où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, le vendredi est le meilleur des jours, et c'est le meilleur des jours pour Allah Azza wa Jal, et il est meilleur pour Allah que les deux Eids. Et il y a le jour du vendredi, 5 événements qui lui sont spécifiques. Allah subhanahu wa ta'ala y a fait Adam, et il le fit descendre sur terre un vendredi, et il lui prit l'âme d'Adam un vendredi, et il y a ce jour une heure où une personne ne fait pas une demande si elle n'est pas illicite, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce sa demande. Et l'heure ne s'élèvera qu'un vendredi, il n'y a pas un ange rapproché, un ciel, une terre, un vent, une montagne, une mer, qui ne soit pas angoissé et qui n'ait pas une appréhension à l'approche du jour du vendredi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ses hadiths certains nombres de ses bienfaits et avantages. Et parmi ces avantages, est le temps où l'invocation est exaucée. L'imam Ahmed rahimahullah a dit que ce moment est après la prière médiane, c'est-à-dire après la prière de l'Asr, d'après les hadiths, comme celui qui est rapporté par Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherchez-la, cherchez-la, la demande est exaucée après l'Asr. Et parmi ceux qui a été légiféré ce jour-là, la lecture du surat al-Kahf, surat la caverne en français. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, c'est lui qui lit surat al-Kahf le vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala l'éclairera d'une lumière jusqu'au vendredi suivant. Et parmi le plus grand bienfait de ce jour-là, il y a la prière du vendredi qui est une obligation en islam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a fortement conseillé de se laver avant d'y assister, ainsi que de se nettoyer et de se parfumer, de mettre ses meilleurs habits, ou de mettre les meilleurs habits que l'on a et les plus propres, car le vendredi n'est pas un jour comme les autres. Ainsi qu'il a conseillé de se rendre tôt à la mosquée et de se rapprocher le plus possible de lui-même et d'écouter attentivement le prêche qui n'est autre qu'une exhortation et un rappel pour chaque musulman et musulmane. Il est rapporté dans le hadith qui est dans le Bukhari au Muslim que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Celui qui fait ses grandes ablutions le vendredi et qui s'y rend à la première heure, c'est comme s'il avait donné une chamelle dans le monde. » Et celui qui s'y rend à la deuxième heure, c'est comme s'il avait donné une vache en aumône. Et celui qui s'y rend à la troisième heure, c'est comme s'il avait donné un bélier à corne en aumône. Et celui qui s'y rend à la quatrième heure, c'est comme s'il avait donné une poule en aumône. Et celui qui s'y rend à la cinquième heure, c'est comme s'il avait donné un œuf. Et quand lui-même sort, les anges s'arrêtent de monter, et les gens qui rentrent et écoutent le prêche. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit aussi, assistez au vendredi et rapprochez-vous de l'imam. Assistez au vendredi et rapprochez-vous de l'imam. La personne ne cesse de s'éloigner de l'imam jusqu'à ce qu'il soit loin dans le paradis, même s'il y entre. Et ensuite, il convient à chacun qui est dans la mosquée de s'occuper avec des adorations et des obéissances, que ce soit prière, rappel, invocation, lecture du Coran, jusqu'à ce que vienne l'imam. Et ne pas faire comme dans certains pays où les gens se réunissent avant le Jumu'a et lisent le Coran en groupe à voix haute, car ceci déconcentre ceux qui veulent prier ou faire des invocations. Ensuite, quand vient l'imam, il faut écouter le prêche attentivement et le prendre comme une exhortation et un stimulant, car il y a dedans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le prêche et les hadiths de la meilleure des personnes qui est le prophète alayhi salatu wasalam. Et il faut aussi méditer dessus et ensuite essayer d'appliquer les paroles de l'imam dans notre vie quotidienne, car c'est à cela que la khutbah sert. Elle sert à apprendre aux gens leur religion et les préceptes de l'islam et pas à autre chose comme beaucoup le font. Ils règlent leur compte sur Nimba, etc. Ensuite, ils vont assister à la prière avec crainte et soumission dans l'adoration vers Allah Azza wa Jal. Et quand la prière est finie, faire les invocations relatives à la prière, c'est-à-dire les invocations qui sont après la prière. Et aussi faire 4 unités de prière surrogatoires à la mosquée ou 2 à la maison, comme cela est rapporté dans les hadiths. Ou faire les 6, c'est-à-dire 4 à la mosquée et ensuite tu fais 2 à la maison, d'après les hadiths et d'après la parole du chef de l'islam, rahimahullah. Et prenez garde à ne pas annuler ou diminuer la récompense de ce jour, comme y aller en retard, ou quand l'imam est sur le minbar, ou déranger les gens qui assistent en les enjambant, comme cela est rapporté du prophète, où un jour il prêchait, il était sur le minbar, et une personne enjamba les gens qui assistaient au prêche. Le prophète alayhi salatu wasalam lui dit alors assieds-toi. Assieds-toi, tu fais du tort, et tu déranges les gens, et en plus tu es en retard. Que craignent ceux qui font cela de rentrer dans la parole d'Allah Azza wa Jal, qui sera de l'Ahzab, et ceux qui font du tort aux croyants et aux croyantes sans aucune raison, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Et attention aussi à ne pas déranger les gens en étant à voix lors de la récitation du Coran ou lors d'invocation, comme le prophète alayhi salatu wasalam l'a déconseillé aux compagnons alors qu'on entendait leur voix porter pendant qu'ils récitaient le Coran. Rendez-vous compte que si la personne dérange déjà en lisant le Coran, alors qu'en est-il et quel est le péché de ceux qui dérangent les autres en parlant de futilité ou de choses d'ici-bas? Et sachez aussi que parmi les grands péchés, il y a le fait de ne pas assister aux prêches et à la prière du vendredi sans aucune raison valable. Comme le prophète alayhi salatu wasalam le dit, que cesse certain de ne pas assister au Jumu'a, ou alors Allah subhanahu wa ta'ala tiendra leur cœur et ils seront alors du nombre des distraits. Et sachez aussi que parmi les meilleures des œuvres que l'on puisse faire ce jour, c'est de prier sur le prophète alayhi salatu wasalam. Comme cela est rapporté par Abu Daoud, où le prophète alayhi salatu wasalam a dit, le meilleur de vos jours est le vendredi, alors vous demandez des prières sur moi, vos prières me sont exposées. Ibn Qayyim rahimahullah a dit, le prophète est la meilleure des personnes, et le vendredi est le meilleur des jours. Et le vendredi est le meilleur des jours. Et prier sur lui ce jour-là a un avantage que l'on voit les autres jours, tout en sachant que tout le bien qui atteint cette communauté, elle l'a obtenu par l'intermédiaire de son prophète, alayhi salatu wasalam. Donc la moindre des choses, c'est de prier sur lui en ce jour. Et sachez, bihawlillah, pour terminer, qu'aujourd'hui on accueille, comme c'est devenu bihawlillah, alhamdulillah, une habitude, une association, l'association de Romainville, pour que la récolte, à la fin, après la salat, leur soit reversée afin de les aider dans leur projet de construction de mosquées. Donc chacun d'entre nous, Alhamdoulilah, doit participer pour que ce projet aboutisse, tout en sachant que celui qui donne, eh bien, c'est une sadaqa jariya, c'est-à-dire une aumône qui perdure et qui te sera bénéfique, même après ta mort. Et celui qui construit une mosquée pour Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une maison au paradis. Et le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, c'est-à-dire, le croyant sera sous l'ombre de son aumône le jour de la résurrection. Et parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. C'est-à-dire un homme qui prit l'aumône et la cacha à tel point que sa main gauche ne savait même pas ce que sa main droite avait donné. Il est bien fait de dépenser dans le sentier d'Allah Azza wa Jal son temps démembrable. Et doivent nous pousser à aider nos invités du Hawdillah d'aujourd'hui,